Il a runa wadih. Jusque-là, c'est con, c'est simple. Donc là, on reprend où on s'est arrêté maintenant. Vous vous rappelez, on s'est arrêté à ce point-là. Hier, on avait terminé à la mention de ce hadith. De ce hadith, cet immense récit. Lorsque Allah Azza wa Jal dit « La grandeur est mon izar et l'orgueil est mon rida. » Et celui qui essaye de se rivaliser à moi dans cela, je le châtirai, il dit. Ensuite, l'auteur dit وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد صنعة فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية. L'auteur ensuite, regardez, il fait une réflexion, il va poser une question. Il pose une question, c'est une interrogation. Il dit, il va faire allusion au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallam dit ashadun nas azaban yawm al-qiyamah al-musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Il fait allusion ici au prophète sallam, le célèbre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le plus dur châtiment le jour de la rétribution, ça sera pour les façonneurs. Les façonneurs. Yuqalu lahum, il leur sera dit donnez vie ahyu ma khalaqtum. Donnez vie à ce que vous avez façonné, à ce que vous avez fait. Ce hadith est célèbre. Pourquoi l'auteur fait allusion à ce hadith? Regardez ce qu'il dit. Avant cela, il me pose une question. Il dit, si donc le plus dur châtiment c'est pour al-musawwirun, les façonneurs, ceux qui représentent les images, qui façonnent. Le prophète sallam dit ashad an-nas adaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Alors, yuqalu lahum, il leur sera dit donnez vie à ce que vous avez fait, à ce que vous avez façonné, à ce que vous avez créé. Donnez vie. C'est une sorte de défi. Pourquoi? Parce que le seul qui donne vie, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jalla. Donc ça fait partie des particularités de la seigneurie du Créateur, subhanahu wa ta'ala, le fait de donner la vie et le fait de reprendre les vies. Ça fait partie des particularités de la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui façonne des images, Allah azza wa jal lui dira, donne vie donc à ce que tu as façonné. Pourquoi? Parce que c'est comme si qu'on se compare, on s'associe à lui. Puisque le seul qui donne vie, qui peut donner vie, qui a le pouvoir de donner la vie, qui a le pouvoir de donner existence à ceux qui étaient néants, ceux qui n'existaient pas, c'est le Créateur. C'est le détenteur de la Seigneurie. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur maintenant pose une interrogation, une question. Il dit, si c'est le cas pour les façonneurs, ashad an-nas adaban yawm al-qiyamah, pour les façonneurs. Alors, quel est le cas? Il dit, de celui qui se compare directement, qui veut rivaliser, se comparer avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez maintenant l'interrogation qu'il pose. Il dit, فَإِذَا كَانَ الْمُصَوِّرُ الَّذِي يَصْنَعُ صُوَرْ بِيَدِهِ مِنْ أَشَادِ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِتَشَبُّهِ بِاللَّهِ فِي مُجَرَّدُ الصَّنَعَ فَمَا الظَّنُّ بِالْمُتَشَبِّهِ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ. Alors si juste celui qui façonne avec ses mains, il lui sera dit, donne vie à ce que tu as façonné, créé. Quel est le cas de celui qui essaye de ressembler, de se comparer au Créateur, que ce soit dans le domaine de la Seigneurie ou bien dans le domaine de la divinité. De la divinité. Là, vous avez compris l'interrogation de l'auteur. C'est une réflexion très pertinente. Wa fi sahih anhu صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. Et là l'auteur va mentionner un autre récit. De même, c'est un hadith qu'on appelle divin. Un hadith divin. C'est le prophète sallam qui rapporte d'après Allah Azza wa Jal. Allah dit, et qui est le plus injuste que celui qui a voulu créer comme ma création? Et qui est le plus injuste que celui qui a voulu créer comme ma création? Alors Allah dit, فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً. Alors qu'il crée, il est dit ici, ne serait-ce que الذَرَّةً. Ou bien, فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً. Et donc là, on voit que dans ce récit, que nous rapporte le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, d'après Allah Azza wa Jal, Allah dit, et qui est le plus injuste que celui qui essaye de créer comme ma création? On voit bien donc, vouloir ressembler, se comparer à Allah Azza wa Jal, de créer comme lui crée, et donc se comparer à lui, puisque là on est dans le sujet de ce qu'on appelle at-tashabbuh, de se comparer à lui, c'est la plus grande injustice. C'est pour ça que c'est du polythéisme. Et c'est la plus grande, dans le Coran, c'est le plus grand péché. Pourquoi dans l'islam c'est le plus grand péché? Parce que c'est considéré comme la plus grande injustice. On se compare au Créateur. Et on n'a pas droit, l'être humain n'a pas droit de se comparer à son Créateur. Le seul qui a le pouvoir de créer, c'est Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est pour cela, dans ce hadith-là, Qudsi, alors Allah leur dira, essayez de créer ne serait-ce qu'un grain. Essayez de créer ne serait-ce qu'un grain. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte dans ce récit, d'après Allah Azza wa Jal, on voit que l'exemple qui est pris, c'est quelque chose de minuscule. C'est quelque chose vraiment de minuscule. Alors si la chose infime et la petite chose comme ne serait-ce un grain, ils ne pourront pas le créer. À plus forte raison, des êtres, des animaux, la terre, les océans, le créateur de ceci, de cette création, c'est le maître de l'univers, Allah, subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalalu. هذا خاص بالحيوان والإنسان أيوة لو كان إنسان مثلا يصور البحار والسماوات والأحجار والأشجار وشجر أو حجر أو أي شيء أي يجوز هذا يجوز ما في إشكال في هذا Donc on reprend. Alors, on voit qu'il y a deux termes qui sont cités dans le récit. فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرًا. الذَّرَّة بِذَّلْ ce terme-là, ça sous-entend la petite fourmi. C'est une petite fourmi. Là, vraiment, elle est c'est la petite fourmi. Washa'ira, là, c'est le grain d'orge. C'est le grain d'orge. Le grain d'orge. Et donc, al-dharra, c'est al-namlatu sarira. Fahum la yakdiruna ala dhalik. Wahum yaz'umun annahum fannanun. Wa annahum yusawwirun as-surata ala shakri ma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala. Fallahu yatahaddahum. Ada tahaddi. Allah yatahaddahum. C'est une sorte de défi. Ceux qui prétendent pouvoir créer quelque chose, Allah leur donne un défi. Il leur dira, crée ne serait-ce une toute petite fourmi. Al-dharra, c'est al-bibidhal. Al-dharra, c'est al-namlatu sarira. C'est une toute petite fourmi. C'est vraiment quelque chose de minuscule. Allah yathaddahum. Donc un petit insecte, ou sinon un petit grain d'orge, un petit grain d'orge. Et donc là, l'auteur a cité ces récits-là dans le domaine de ce qu'on appelle le teshabbuh, pour celui qui essaie de rivaliser, de se comparer, Vous avez vu, là, on est dans le sujet de la comparaison. وَكَذَلِكَ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ تَعَالَى فِي الْإِسْمَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي إِلَّا لَهُ. Regardez maintenant l'auteur, il est toujours dans la comparaison. Celui qui essaie de se rivaliser avec le Créateur, se comparer au Créateur. Donc là, dans l'acte. Mais ça peut se faire aussi dans l'appellation. Ça peut se faire dans l'appellation. Comment ? Le fait de vouloir s'attribuer un titre ou une appellation qui n'appartient qu'au Créateur. Comme par exemple, le roi des rois, le juge des juges, le souverain des souverains. Ça, cette appellation-là, ou hadal ism, plutôt, la yakun illa lillahi azza wa jal. Qala mathalan, wa kadhalika man tashabbaha bihi ta'ala fil al-ism alladhi la yanbaghi illa lah. Qala ka malik al-muluk wa hakim al-hukam wa qadi al-qudat wa nahwi. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه ملك الملوك لا مالك إلا الله وفي لفظ أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. Donc regardez, là ce qu'on vient de dire, l'auteur va rapporter des récits à cela. D'abord il rapporte un hadith qui est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et dans l'authentique de l'imam muslim. On est dans le sujet, le fait aussi de s'appeler. Donc se comparer au Créateur, ça peut se faire dans l'appellation, dans le fait de vouloir avoir un titre. Mais que ce titre et cette appellation-là n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait dit par exemple, le roi des rois, le souverain des souverains, le juge des juges, et comme cela. Ça n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre de l'unicité, il y a un chapitre dédié à ce sujet. Qadi al-Qudat, l'appellation concernant le juge des juges. Et dans un récit, l'auteur s'appuie à un récit. Ou dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dit an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna akhna' al-asma'i 'inda Allahi rajulun tasamma bi shahan shah. Ça, cette appellation, comme il est dit dans le récit, auprès d'Allah, le nom le plus vil, une traduction relative, le nom le plus bas et le plus vil auprès d'Allah, c'est un homme qui veut s'appeler Shahanshah. Ça, c'est une appellation qui est en langue perse. Shahanshah. Vous avez vu? Shah. Ça, c'est une appellation en langue perse. Et en arabe, la traduction, c'est Malikul Muluk. Malikul Muluk, le roi des rois, le souverain des souverains. Et le prophète dit, La Malika illallah. Alors qu'il n'y a point de souverain, de roi, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on parle de la souveraineté et de la royauté absolue. Al-Mutlaqa. On parle de la royauté absolue. Du détenteur, du possesseur, de manière absolue. Sinon, sur terre, il y a des rois. Et les gens possèdent. Il y a des possesseurs de biens, de terres. Sauf que cette possession, elle est limitée. Qui est-ce qui leur a octroyé ce qu'ils possèdent? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui leur a octroyé une petite part de royauté sur terre? Qui est-ce qui leur a donné? Al-Mu'ti ou Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que Allah azza wa jal peut leur ajouter et leur enlever quand il le veut. C'est pour ça qu'on possède des choses dans cette vie d'ici-bas, mais notre possession de ces biens, elle est limitée. Aujourd'hui, on peut posséder et demain, on peut tout perdre. C'est pour ça que les savants, ils appellent ça une possession en réalité qui n'est pas absolue. Et elle n'est pas parfaite. Et cette possession-là, elle est limitée. Et souvent, l'homme possède des choses ici-bas et en général, ce qu'il possède parmi les biens terrestres, ça reviendra à des héritiers. Ça reviendra à d'autres gens. Et plus tard, avec les générations, ça reviendra à d'autres. Donc en réalité, il n'en est pas le possesseur absolu. Même si Shaitan embellit à l'homme, lorsque l'homme possède des biens et des fortunes et des trésors ici-bas, Shaitan va lui embellir et lui faire croire que sa possession, elle est absolue et que sa possession, elle est immense et que tout cela provient de lui. Tout cela provient de lui et justement, c'était ce qu'il mérite. Ce qu'il mérite. Et donc, il va commencer à penser, comme c'est dit dans la sourate, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. Regardez, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. Allah dit, malheur à tout, هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, à tout diffamateur, calomniateur, en traduction littérale et rapprochée du verset. Allah dit, ensuite, الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ, celui qui réunit, amasse l'argent et ne fait que compter. Il ne fait que amasser, trésoriser et compter son argent. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ, en pensant que ce qu'il possède comme argent l'éternisera, lui donnera l'éternité. Shaitan, il va lui faire croire donc que sa possession elle est infinie, que sa possession elle est éternelle, alors qu'un jour il va tout perdre. Il ne prendra pas ce qu'il possède avec lui. Et d'autres ensuite bénéficieront de cela. Tandis que Allah Azza wa Jal, sa royauté, son pouvoir, sa possession, ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala, c'est éternel. Sans début, sans fin. C'est éternel. C'est la possession qui est absolue. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le roi des rois. Et pour ça, dans l'autre récit, l'auteur va mentionner une autre version du récit. وَفِي لَفْظٍ أَغْيَظُ رَجُلٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ. Et dans l'autre version, l'homme qui met le plus Allah en colère, c'est celui qui se fait appeler le roi des rois. Traduction relative et rapprochée du hadith. L'homme qui met le plus Allah Azza wa Jal en colère, celui qui se fait appeler le roi des rois ou le roi des possesseurs. Celui qui pense qu'il a une possession absolue. Wa malikul amlak wa Allah Azza wa Jal. Le roi des rois, le souverain absolu est Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'auteur dit, globalement, le véritable sens du shirk, de l'association, c'est de faire ressembler le créateur à la créature au créateur. C'est pourquoi c'est une erreur de croire qu'il est possible de se rapprocher du créateur en se rapprochant d'une créature à travers l'adoration. Vous avez vu comment l'auteur le dit si bien? Donc restez bien concentrés, regardez ce que dit l'auteur ensuite. Maintenant il dit Biljumla, globalement. Là, maintenant on a parlé de Teshbih al-Khaliq bil-Makhluq. On a parlé, premièrement. Deuxièmement, de Teshbih al-Makhluq bil-Khaliq. Deuxièmement. Troisièmement, on a parlé de Tashabbuh. Tashabbuh al-Makhluq bil-Khaliq. Trois choses. On a parlé donc de ces trois choses. Globalement, bil-Jumla, l'auteur maintenant résume en disant فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطي لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له فأشرك معه سبحانه فيه غيره فبخسه سبحانه حقه فهذا قبيح عقلا وشرعا ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلمه. Regardez, c'est très pertinent ce que dit l'auteur. Il dit, donc je vous traduis de manière très relative la parole de l'auteur. Il dit globalement, le véritable sens donc du shirk, haqiqatu shirk, qu'est-ce que shirk véritablement en réalité? Je ne sais pas si vous avez compris, si on a compris bien, l'auteur vraiment nous fait comprendre qu'est-ce que shirk en réalité. Et il est toujours dans la clarification du fait de nous expliquer pourquoi dans l'islam c'est le plus grand péché. Et pourquoi dans l'islam, ce péché-là, le créateur ne le pardonne pas. Allah ne le pardonne pas. Pourquoi? Comme on l'a dit dans les assises précédentes, Allah Azza wa Jal est le miséricordieux, le tout miséricordieux, le clément, le grand pardonneur. Mais ce shirk-là, il ne le pardonne pas. Pourquoi? Et pourquoi c'est la plus grande injustice? Et pourquoi c'est le plus grand péché dans l'islam? Et vous avez vu, l'auteur développe cela. Il fait comprendre au lecteur le pourquoi. Que le shirk, c'est le plus grand péché dans l'islam, et de ce fait, de s'en préserver, et de s'en écarter, et de pas s'en approcher. Et regardez ce qu'il va dire, qu'il dit très bien. Alors il dit, globalement, le véritable sens du shirk, c'est quoi? Globalement. Si on voudrait l'expliquer globalement. Il dit, tout simplement, c'est de faire ressembler le créateur à la créature. Ou de faire ressembler la créature au créateur. Ou bien vouloir se comparer au créateur. Tout simplement. Ou bien de vouloir se comparer au créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que pour le croyant, c'est impensable. Pour le croyant, c'est impensable pour lui. De vouloir se comparer au créateur. Ou de vouloir comparer le créateur aux créatures. Ou de vouloir comparer les créatures aux créateurs. C'est quelque chose pour lui d'impensable. D'inconcevable. Voilà. Alors pour cela, si ça on l'a compris, écoutez bien ce qu'il va dire maintenant. Si ça on l'a compris, alors il dit, alors c'est une erreur de croire. C'est une erreur de croire qu'il est possible de se rapprocher du Créateur en se rapprochant d'une créature à travers l'adoration. Donc, si on a compris cela, il est faux de croire qu'on pourrait se rapprocher du Créateur, d'Allah Azzawajal, en se rapprochant d'une créature. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il sous-entend? Il sous-entend la prise d'intermédiaire et d'intercesseur. Le fait que beaucoup, dans notre nation par exemple, ou d'autres, pensent qu'on peut se rapprocher du Créateur et adorer le Créateur en vouant adoration à autre, aux créatures, en pensant que ces créatures pourront être intermédiaires et intercesseurs auprès du Créateur. Et donc c'est une erreur. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Cette forme de ressemblance n'a pas lieu d'être, car il incombe de vouer l'adoration uniquement à Allah. Allah a purement interdit l'association. Pourquoi? Parce que l'adoration, lorsqu'on connaît le Créateur, lorsqu'on connaît Allah Azzawajal, on sait donc que Allah nous commande et nous ordonne de n'adorer que lui. Subhanahu wa ta'ala. C'est un acte ignoble tant du point de vue de la raison que du point de vue de la religion. Quel acte? Le fait de vouloir se rapprocher du Créateur en se rapprochant d'une créature. En pensant que cette créature nous rapprochera d'Allah Azza wa Jalla, sera la cause de notre rapprochement d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala. Il n'est donc pas légiféré de faire. Il n'est donc pas légiféré de faire cela. Qala. Walidhalika lam yushra wa lam yughfar fa'lamhu. Regardez ce qu'il dit très bien. Il dit, de ce fait, cela n'est pas légiféré, ni pardonné, sache-le. Il dit, de prendre des intermédiaires, de se rapprocher de créatures pour que celle-ci soit la cause de notre rapprochement d'Allah, cela n'est pas permis, ni religieusement, et cela n'est pas pardonné. Il dit, sache-le. Illa idha tab. أيوة توبة النصوحة إذا كانت هذه التوبة النصوحة إذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه لكن إذا كان الإنسان هو يشرك بالله عز وجل دون التوبة ومات على هذا الحال على الشرك بالله عز وجل دون أن يتوب إلى الله عز وجل فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما لمن يشاء لمن يشاء والأدلة في الكتاب كثيرة ولما خطب الله عز وجل نبيه وقال لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وفي آية أخرى يقول جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ma kanu ya'malun. Fa al-ayat wal-adillatu min al-kitab wa min al-sunna, min al-sunnati al-mutahara kathira. Fa al-shirk huwa al-zulm al-azim. Ya bunay, la tushrik billah, inna al-shirka la-zulm al-azim. Wa kama dhakara al-musannif. Maintenant, si je vous pose la question, à qui est-ce que je pose la question? À qui est-ce que je pose la question? Bil arabia, inshallah. Ma haqiqat al-shirk? أحسنت. هذا هو الخلاصة كلام المصنف. هذه فائدة عظيمة. Des fois, on va se poser la question. La question, c'est ما حقيقة الشرك. Donc, c'est quoi la réalité du shirk? Si je vous pose la question, une personne s'intéresse à l'islam. Vous savez, une personne quelconque, par exemple, qui s'intéresse à l'islam, ça, c'est une question légitime de se poser la question, c'est quoi le plus grand péché dans l'islam? Donc, on sait tous... par la Gaza, c'est quoi le plus grand péché dans l'islam? Le shirk. Est-ce qu'il y a divergence? Non, c'est le shirk est le plus grand péché de l'islam. Donc sur ça, il n'y a pas de divergence. C'est une notion que tout musulman a, et tout musulmane a, que dans l'islam, les textes, les versets dans le Coran, dans le livre saint, sont clairs. Mais maintenant, une personne, par exemple, qui se renseigne au sujet de l'islam, ou une personne aussi, musulmane, qui veut savoir, mais c'est quoi la réalité de ce shirk? C'est le shirk, c'est le plus grand péché de l'islam. Alors, lui-même se pose la question, ou une personne vous pose la question. C'est quoi la réalité du shirk? C'est bon, on est dans une époque où les gens sont académiques. Les gens sont des gens instruits. Ils ont fait des études. Donc ça, c'est le niveau des gens aujourd'hui, en général, c'est des gens instruits, c'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens qui ont un niveau en général académique. Donc ça, c'est une question que les gens se posent. Quelle est la réalité du shirk dans votre religion, par exemple, dans notre religion? Là, je pose maintenant la question. Quelle est la réalité du shirk? Arsène. Vous avez vu la faïda? Pourquoi je l'ai fait de cette manière, de vous poser la question? C'était pour pas qu'on se quitte sans qu'on ait en réalité la faïda, toute simple. La faïda, c'est sans qu'on puisse s'en rendre compte, peut-être parmi vous vous êtes rendu compte, on s'en est pas rendu compte. C'est ça le but lorsque on lit un livre, c'est de sortir un peu les enseignements. Peut-être s'en est pas rendu compte, très simplement on peut expliquer et comprendre c'est quoi la réalité du shirk. C'est quoi la réalité du shirk? Tout simplement, si on se pose la question, ma haqiqat al-shirk, en arabe, ma haqiqat al-shirk, c'est quoi? Tashbih al-khaliq bil-makhluq, ou tashbih al-makhluq bil-khaliq, ou tashabbuh bil-khaliq. Vous avez vu, de le dire d'une manière très simple. L'auteur vraiment nous enseigne très simplement. On a juste à apprendre ça. C'est faire ressembler le créateur, comparer le créateur aux créatures, ou bien comparer les créatures aux créateurs, ou bien se comparer soi-même, c'est ça de tachabou, au créateur. Si vous vous posez la question, ou vous posez la question, c'est quoi la réalité du shirk? Eh bien, de dire, c'est tout simplement de se comparer au créateur. Ou bien de comparer le créateur aux créatures. Ou bien de comparer les créatures aux créateurs. Hadi faidatun azim. Pour soi-même déjà. Là, l'auteur nous a expliqué la notion du shirk. Haqiqat al-shirk. Vous avez vu? Et donc, il faut juste résumer. Vous savez, la science, c'est ça, c'est très simple. Mais c'est d'abord d'apprendre à faciliter les choses. Pourquoi? Parce que si on n'apprend pas les choses comme il se doit, on peut nous poser la question, ou soi-même, on peut se poser la question, c'est quoi la réalité du shirk? Et puis la personne va commencer à faire un discours parce que lui-même, en réalité, ne maîtrise pas. Alors tu sais, le shirk, il va commencer un peu à rentrer là, et puis la personne qui est en face, elle n'a rien compris à la fin. En réalité, la personne en face, toujours pas compris. Mais lorsque les choses sont maîtrisés de la base très simplement, on peut déjà pour soi-même s'expliquer les choses simplement et faire comprendre les choses à autrui d'une manière très simple et que ça soit ilmi. Ça soit basé sur l'ilm. Donc si on a compris ça, regardez, l'auteur va citer le fawaïd azim. Tfaddal. نعم أحسنت سؤال جيد الذي ذكرنا ليس بتعريف قال حقيقة الشرك لذلك لم نقول تعريف الشرك مثلا الذي ذكرت الحديث هو لا لا لا لا هذا ممتاز جدا لو ذكرت الحديث من باب أن تعرف أنك تعرف الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك كما جاء في الحديث والشرك والتسوية هذا من باب التعريف بأنك تعرف الشرك للغير هذا ممتاز لكن الآن هو المصنف يتكلم عن حقيقة الشرك لفهم الشرك ما حقيقة الشرك لذلك أنا لما سألت السؤال ذكرت لفظ المصنف وفقا لقوله من باب أن نكون موافق لقول المصنف لأن كلام العلماء كما تعلمون كلام العلماء في وزن أيوة يزنون الألفاظ فهو ذكر حقيقة الشرك لذلك الأفضل نحن نبقى في هذه الألفاظ فحقيقة الشرك أن هو في تشبيه الخالق بالمخلوق والتشبيه المخلوق بالخالق والتشبه بالخالق أيوة أي نعم أحسنت أحسنت الله ليس له صاحبة ولا ولد وحده لا شريك له نواصل الكلام ثم قال donc si on a compris ça si إذا فهمنا ذلك قال واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له ولا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء فإنه إن ظن أنه لا يعلم ولا يسمع إلا بإعلام غير ولا بإسماعه لذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا فإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن بأفضاله ربه وبره بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد كما قال جل وعلا الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين تفضل لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضل. Pour terminer, regardez, écoutez bien là, c'est très pertinent ce que va nous enseigner l'auteur. Donc il dit, d'une traduction de ses paroles, il dit, sache que de penser que le Créateur n'entend pas et ne répond pas. Donc l'entente, lorsqu'on parle de Sama au sujet du Créateur, ça peut sous-entendre deux choses. Le fait qu'il entende et le fait qu'il réponde. Et le fait aussi qu'il entend et répond favorablement aux demandes, et exauce plutôt les demandes. Sache que de penser, dit l'auteur, qu'Allah n'entend pas et ne répond pas à l'invocation de son serviteur. Ceci n'est par le biais que d'un intermédiaire, mais que ceci peut se faire que par le biais d'un intermédiaire. Certains pensent que Allah répondra aux demandes et entendra les demandes si celui-ci prend un intermédiaire. Alors il dit, sache que celui qui pense cela, c'est qu'il se fait une mauvaise opinion du Créateur. C'est ce qu'on appelle « dhansu », une mauvaise opinion du Créateur. D'ailleurs, dans ce qui va suivre, vous allez avoir une très belle faïda. Une très belle faïda. Vous savez, dans les premiers siècles de l'islam, jusqu'à aujourd'hui, on est près de 15 siècles. Chaque siècle, lorsqu'il y a eu l'émergence d'une doctrine. Une doctrine déviante des enseignements du messager de Dieu, du messager d'Allah, Azza wa Jal. À chaque fois qu'il y a eu l'émergence d'une doctrine, qu'a dévié des enseignements et des principes qu'a inculqué, enseigné le prophète en somme. Savez-vous la cause? L'auteur va citer deux causes. Savez-vous les deux causes? Les deux sources pour laquelle ces doctrines ensuite ont dévié des enseignements du prophète en somme. Et donc des doctrines émergèrent. La cause de chaque égarement. Vous savez, très belle faïda qu'il va dire, et là il commence à expliquer. Il dit, les deux causes c'est quoi? Dhan as-su billah, c'est la mauvaise pensée au sujet d'Allah. Et la deuxième cause, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Et là, c'est ce que va expliquer l'auteur. C'est ce que va expliquer l'auteur. Il va expliquer dhan as-su, la mauvaise opinion, la mauvaise pensée envers le Créateur. Et la deuxième chose, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِ. Et le fait de ne pas avoir estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Et vous allez voir dans ce qui va suivre, il va dire, c'est la cause. C'est la cause de ces mots qui sont apparus. Alors il dit, alors, croire qu'Allah ne connaît pas ou n'entend pas les plaintes de son serviteur, si on ne lui fait pas savoir cela, c'est renier le savoir, l'écoute et le parfait entendement d'Allah. Cette pensée suffit en elle-même pour être un péché. Il dit, certains reconnaissent, certes, qu'Allah voit et entend, mais ils pensent qu'il a besoin qu'on lui suscite sa compassion et sa douceur. Sa compassion et sa douceur, qu'est-ce qu'il veut dire? Allah, par exemple, n'est pas comparable au roi dans cette vie. Par exemple, les rois, parfois, ou les gens qui détiennent une autorité, parfois, pour faire valoir, comme on avait cité déjà dans des assises précédentes, pour faire valoir, par exemple, les droits d'une personne, ou une personne qui a des requêtes, des demandes, par exemple, s'il y a des foyers qui vivent dans la difficulté, des gens qui sont dans le besoin, les gens qui ont besoin que d'être aidés, pour que le roi puisse connaître la situation des foyers, la situation de ce peuple, d'une manière générale, ou la situation des gens, d'une manière plus particulière, ce qui se passe chez eux, ils ont besoin de gens, de fonctionnaires qui travaillent pour eux, qui leur remontent les informations. Ensuite, lorsque, par exemple, ces fonctionnaires vont intercéder pour un foyer, ou pour une personne qui est dans la difficulté, ils vont essayer de susciter la compassion et la douceur du roi ou de l'autorité, en lui disant, voilà, il y a telle famille qui est dans le besoin ou tel peuple qui est dans le besoin, donc susciter un peu sa compassion et essayer d'avoir un discours émotif pour qu'ensuite il vienne en aide. Mais ça, c'est pour l'autorité ici-bas ou un roi terrestre. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas besoin d'un tierce qui va susciter sa clémence ou sa miséricorde. Allah est le miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Moustahil, c'est impossible. Naam. Donc, on voit ici, c'est pour dire que le créateur n'est pas comparable. On peut intercéder ici-bas auprès d'un roi, auprès d'une personne qui a une certaine autorité, qui est d'un certain rang, mais auprès d'un an, on ne peut pas intercéder comme cela, sans sa permission. Et donc, il faut donc, au sujet d'Allah, si on veut l'invoquer, lui demander, il faut le faire directement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il dit. C'est ce que l'auteur ici, il dit. Certains reconnaissent certes qu'Allah entend et voit tout, mais ils pensent qu'il a besoin qu'on lui suscite sa compassion et sa douceur. Vous avez compris maintenant lorsqu'il dit, il pense qu'il a besoin qu'on suscite sa compassion et sa douceur. Allah n'a pas besoin que d'un tierce qui vient susciter sa miséricorde. Allah est le miséricordieux. Et Allah connaît votre situation, et connaît la situation de chacun, et connaît la situation des peuples. Allah a la connaissance de tout cela. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.